j'aime trop coco. D'habitude t'es l'eau, j'suis sous grosse mélo, j'suis sous grosse moula. Tu fais le boubou, reste tranquille. Le mec du doudou, reste tranquille. J'nique tout doudou, le son est en pile. Genre il croque le coucou comme un vampire. J'fais mal comme Ben Arfa ou Dembélé. J'suis devant le mic comme du Dengélé. J'suis ma vie à l'aigle, j'dois m'interpeller. J'aimerais me voir derrière les barbelés. Ça pense y'en a qui sont tous assis. Y'en a qui guettent sur la chaise assis. En mode ghetto, ghetto, non y'a rien de facile. Non y'a rien de facile. Mais méfie tout, tout, tout, j'suis dans les temps, temps, temps. J'aime voir un coup, coup, coup, j'vois toujours les dents. Je me méfie tout, tout, tout, j'suis dans les temps, temps, temps. J'aime voir un coup, coup, coup, j'vois toujours les dents, dents, dents. Une vie de zengo, ça veut les bimbo, la fin du bingo, ça veut récupérer le bendo. Par balle sur le manteau, c'est la mentalité de toi, notre zengo. Elle t'a chopé, elle t'a tout cassé. T'as trop cassé, t'as le dos cassé. J'aime pas me faire la morale. Même de ces quatre en morale. Parle toi, tes potes font la chorale. J'ai mis deux jambes, j'ai mis deux bras. Blim, blim, c'est le bruit du audit. Pour les aimes à la taille, sur les kilotypes. Ah, sur la minuti. Je cherche avec ma Monica Bellotti. Ok, du week-end à Saint-Tropez. Je m'énerve, viens pas me sauver. Y'a le buzz, mais je suis OP. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo.